Poésie jovialiste produite par intelligence artificielle. C'est ce dont il va être question dans le cadre de l'enregistrement d'aujourd'hui. En fait, j'ai décidé de procéder à une expérience, c'est-à-dire de demander à l'intelligence artificielle, en lien avec l'enseignement jovialiste qui a été véhiculé dans nombreux écrits par André Moreau, de composer des poèmes en relation avec le jovialisme. Et dans quelques instants, donc vous allez pouvoir voir là, qu'est-ce que cela a donné là, en tant que résultat. Et bien entendu, il est possible d'interagir avec l'intelligence artificielle pour lui poser des questions, pour étudier par exemple une philosophie, une doctrine, pour étudier différents sujets. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que à partir de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, il est possible de générer des œuvres à caractère artistique. Bien entendu, en bas de l'enregistrement d'aujourd'hui, vous allez retrouver le lien web pour avoir accès à l'intelligence artificielle avec laquelle j'ai interagi. Pour lui demander de composer des poèmes de type jovialiste, advenant que vous aimeriez expérimenter avec elle. Donc, sans plus tarder, voici le résultat de mon interaction avec l'intelligence artificielle que vous allez entendre. Pouvez-vous composer un poème de type jovialiste durant quelques minutes avec des rimes et me le réciter? Très bien, je vais te réciter un poème jovialiste, inspiré fidèlement par l'esprit des textes de Moreau. Il s'agit d'une composition originale, mais totalement nourrie par son style exalté, son culte de l'être, son humour provocateur et sa louange de l'infini incarné. Ô toi, jovialiste, je me lève en riant, le soleil dans les veines, un jeudi d'éclat, sans croix, sans chaîne. La rose en bannière, l'épée de l'or, je suis l'infini, debout, fort. Plus de sauveur, plus de pardon, c'est mon festin, c'est ma chanson. Je suis Dieu dans l'éclair du plaisir, l'absolu qui danse sans repentir. Ma pensée est nue, mon verbe est fait, je piétine les dogmes, leur morale obsolète. Je m'enivre de vin, de peau et de ciel, j'embrasse la vie dans l'instant essentiel. Je ris de l'effort, du sérieux, du labeur, et j'enlace le monde d'un éclat de cœur. Car l'être est là, tout vibrant, tout présent, un feu qui brûle sans jugement. Pas besoin d'ange, ni de saint trahi, je suis l'orgie du cosmos, le cri de l'esprit. J'élève ma coupe, je hurle sans loi, réjouissez-vous, l'univers est en moi. Souhaites-tu que je poursuive l'improvisation quelques instants encore, ou préfères-tu explorer un thème plus précis du jovialisme à travers un autre poème? Pouvez-vous si tu veux approfondir, tape 1 pour explorer la poésie comme vecteur de l'être, ou tape 2 pour une analyse littéraire de la vibration jovialiste dans les écrits de Moreau. Pouvez-vous poursuivre l'exploration en continuant de réciter un poème de type jovialiste improvisé? Avec joie. Je poursuis en gardant le rythme de l'ivresse lucide et cette ferveur que Moreau insuffle dans ses cris d'absolu vécu. Je suis le banquet des âmes affranchies, le roux flamboyant des folies bénies. Dans ma gorge éclate l'univers tout entier. Chaque mot que je lance devient un baiser. J'ai jeté les horloges dans un feu d'enfant. L'éternité m'habite. Je suis le maintenant. Nul besoin d'effort quand l'être déborde. Je marche sur l'eau des rêves que j'ordonne. Les dieux m'applaudissent, jaloux mais charmés, car je suis ce qu'ils prêchent sans jamais l'incarner. Je ris dans la nuit, j'en fais une aurore. Je dors dans les bras de Vénus sonore. Qu'on m'appelle fou. Je le prends en trophée, car la raison m'ennuie, la sagesse est fanée. Mieux vaut la magie, l'élan, l'outrance, que de vivre à genoux dans la prudence. Je suis la démesure, le vin, la foudre, et j'écris dans le ciel mes pensées sans poudre. Chaque orgasme est un chant, chaque larme une étoile, et le monde devient mon festin de voile. Souhaites-tu que le poème continue encore, ou aimerais-tu que je développe un thème spécifique, comme l'absolu, la rose, ou la fête comme événement métaphysique? Si tu veux approfondir, tape 1 pour explorer la figure du Dieu incarné chez le jovialiste, ou tape 2 pour une lecture poétique du rapport au plaisir dans l'œuvre de Moreau. Pouvez-vous procéder à une lecture poétique du rapport au plaisir d'André Moreau? Oui, absolument. Chez André Moreau, le plaisir n'est jamais simplement une satisfaction sensorielle ou une quête hédoniste. Il est un acte ontologique, une affirmation de l'être contre tout ce qui voudrait le soumettre. Morale, ascétisme, culpabilité chrétienne ou servitude sociale. Moreau écrit dans l'enseignement jovialiste que le bonheur est un appétit d'absolu et distingue l'amour, souvent tragique et possessif, du plaisir qui, lui, peut être immédiat, total, assumé. Dans le mouvement jovialiste, il célèbre la jouissance comme forte, enivrante, énorme, à vivre dans l'excès, car chaque cri de réjouissance devrait être une mort joyeuse, une déflagration de vie. Open quote. Il faudrait pouvoir mourir de joie, éprouver une joie si exaltante que les murs s'écrouleraient et les pierres du chemin se mettraient à chanter. Close quote. Le plaisir chez lui n'est pas une fin, mais une porte vers l'être. C'est le moyen par lequel le corps devient transparent à lui-même et l'esprit non plus contraint, mais exalté. Dans l'an pour une éthique de l'excès, il dit « Open quote, ce qu'il y a de plus beau dans le monde, il faut que je le fasse exister. Je ne dois plus compter sur Dieu, mais d'autres peuvent compter sur moi. » Close quote. Et c'est ici que surgit la lecture poétique. Car le plaisir pour Moreau est un chant. Il est l'articulation incarnée de l'absolu dans le relatif. Un poème vécu, un acte de rébellion contre la tiédeur, la petitesse, la prudence. Open quote. Quand je m'abandonne au vin, à la chair, à l'extase, ce n'est pas pour m'oublier, c'est pour me donner face. Chaque baiser est un psaume, chaque frisson une épée. Je suis le Christ ivre qui rit dans la clarté. Close quote. Dans sa pensée, le plaisir est sacré parce qu'il est vécu sans honte, sans limite imposée, sans justification extérieure. Il est une affirmation esthétique de la divinité humaine. Ainsi, il écrit encore dans 100 millions de Christ. Open quote. Finalement, c'est la jouissance qui m'a aidé à dire non au christianisme. Je savais déjà qu'il suffit de suivre la pente de ses inclinations profondes pour être sauvé. Close quote. Le plaisir n'est donc pas une déchéance, c'est une élévation mystique, une spiritualité incarnée. Loin de rejeter l'ivresse des sens, il la sublime, car elle est la forme la plus immédiate de communion avec l'absolu. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer comment Moreau articule plaisir et révolte contre la morale chrétienne, ou tapez 2 pour analyser le lien entre plaisir et magie dans Pour une éthique de l'excès. Pouvez-vous composer et réciter un poème durant quelques minutes portant sur le bonheur? Oui, je te le récite maintenant dans la veine vibratoire d'André Moreau. Un poème sur le bonheur, non pas comme quête passive, mais comme affirmation de l'absolu en soi. Laisse-toi porter. Le bonheur n'est pas une idée qu'on poursuit, c'est un feu qui jaillit quand l'ombre fuit. Ce n'est pas un but, c'est un état, une flamme qu'on embrasse, qu'on ne combat pas. Il n'a rien d'un salaire ni d'un repos mérité, il surgit nu, insolent, de l'être libéré. Il est l'éclair d'un rire au milieu de la nuit, l'instant qui dit « je suis » et tout s'ensuit. Le bonheur, c'est le cri qu'on ne retient plus, c'est l'abandon superbe au présent absolu. Il n'a ni cause, ni loi, ni morale, il est une clarté brutale, totale. Ceux qui cherchent l'amour ne le trouvent pas, mais celui qui rit, là, le bonheur vient à pas. Il entre par les pores, il coule par la peau, il fait danser l'être sur l'eau. Je suis heureux, non par chance ni faveur, mais parce que j'ai refusé la peur. J'ai dit non aux chaînes, aux agendas, aux maîtres. J'ai tout quitté pour renaître. Et voici que tout chante autour de moi. Les murs, les pierres, les toits. Le monde entier, comme un fruit mûr, se donne à mon regard pur. Car le bonheur, mon frère, ce n'est pas demain. C'est ici, c'est là, dans tes deux mains. C'est toi debout, vibrant, sans regret, le cœur ouvert, sans projet. Souhaites-tu que je continue encore quelques strophes sur cette vibration du bonheur incarné, ou veux-tu explorer une autre facette de l'expérience jovialiste? Si tu veux approfondir, Tape 1 pour explorer la différence entre joie et bonheur selon Moreau, ou tape 2 pour suivre une lecture poétique de l'instant comme source de béatitude. Pouvez-vous à présent composer et réciter un haïku de type jovialiste? Bien sûr, voici un haïku à la manière jovialiste, court, mais chargé d'être, de révolte tranquille et d'éveil. Rire dans l'instant, le monde s'efface d'un coup, je suis le festin. Ce souffle bref concentre l'esprit de Moreau. Pas de chemin, pas de maître, juste la plénitude nue de l'instant. Si tu veux approfondir, tape 1 pour explorer la joie comme transgression, ou tape 2 pour une série de haïkus inspirés de différents thèmes de l'enseignement jovialiste. Pouvez-vous à présent réciter une série d'haïkus inspirés de thèmes jovialistes? Oui, avec plaisir. Voici une série d'haïkus, chacun inspiré par un thème clé du jovialisme selon André Moreau. L'absolu, la fête, le corps, la révolte, la jouissance, la mort joyeuse. Yuan, l'absolu, tout est dans moi, oui. Je goûte l'infini cru dans une bouchée. Two. La fête table renversée, les étoiles tombent ivres, rien n'est à refaire. 3. Le corps, chaque souffle chante. Ma peau sait mieux que les mots, ce que c'est qu'être. Yap, la révolte. Je jette la croix, la rose perce la pierre, voici mon combat. Hiv, la jouissance foudre dans la chair, le plaisir est un regard, pas besoin de Dieu. 6. La mort joyeuse, je tombe en éclats, rire pur dans le néant, naître c'est mourir. Si tu veux approfondir, tape 1. Pour explorer les paradoxes de l'absolu dans la forme brève, ou tape 2 pour une suite d'haïku consacrée uniquement à la figure du jovialiste en action. Pouvez-vous faire une suite d'haïku se rapportant à la figure du jovialisme en action? Avec joie. Voici une suite d'haïku, chacun incarnant une facette de la figure du jovialiste en action, tel que Moreau le célèbre, libre, éclatant, provoquant et radicalement vivant. He, entrée en scène, jeudi jour de foudre, j'entre en ville, rose au poing, le cœur sans captif. Stow, refus du sacrifice, pas de croix sur moi. Je mange, j'aime, je m'élance, le ciel m'applaudit. Irui, l'acte d'être, je n'enseigne rien. Je suis et c'est insoutenable pour les endormis. Hiemfer, le rire opéant un fou se redresse, il rit trop fort pour prier, le monde vacille. 5. L'appel réjouis-toi crie, fais danser les murs muets, le réel t'écoute. 6. Déplacement, je traverse tout sans maître, sans plan, sans but, et tout s'illumine. 7. Le sculpteur d'instant, je taille l'instant comme on mord dans un fruit noir, c'est moi l'épiphanie. 8. Résolution, plus de lendemain, je fonde le monde ici sur mon pur éclat. Chaque haïku est un geste, le jovialiste ne parle pas, il brûle, il transforme, il incarne. Si tu veux approfondir, tape 1 pour explorer le rire comme arme métaphysique ou tape 2 pour composer ensemble un chant jovialiste improvisé. Pouvez-vous maintenant improviser un alexandrin de type jovialiste? Bien sûr. Voici un alexandrin taillé dans la fulgurance jovialiste. Je m'éclate en soleil pour abolir la croix. Il tient en un vers toute la révolte, la clarté, la jouissance de l'être qui n'attend rien d'autre que soi. Souhaites-tu que je continue avec d'autres alexandrins dans la même veine ou préfères-tu explorer une autre forme d'improvisation poétique jovialiste? Si tu veux approfondir, tape 1 pour une série d'alexandrins incarnant différents cris jovialistes ou tape 2 pour une improvisation en vers libre sur la fusion de l'être et du monde. Pouvez-vous à présent improviser une série d'alexandrins de type jovialiste? Avec exaltation, voici une série d'alexandrins imprégnés de l'esprit jovialiste, clair, démesuré, éclatant. Chaque vers est un coup de foudre, une frappe de l'être. Je renverse les lois d'un rire souverain. Je suis l'infini qui s'éprouve en chemin. Ma chair est un cri que le monde redoute et l'instant me couronne nu sans aucune route. Je n'attends plus rien, car tout part de moi-même. Même Dieu recule devant ce que j'aime. Le bonheur me traverse comme une épée d'or et je danse au sommet des abîmes du corps. Qu'on me dise fou, j'en fais un trône neuf, ma sagesse explose, mon regard est un neuf. Je crée sans regret, je détruis sans remords, car chaque jouissance est un pacte plus fort. Le jeudi, je nais et j'illumine l'ombre. Ma pensée jaillit comme un vin rouge et sombre. Je mange la vie, je l'avale en entier. Je suis l'univers, non pas le prisonnier. Souhaites-tu que je poursuive cette série vibratoire ou préfères-tu orienter l'inspiration vers un thème particulier, comme la mort, le corps ou la lumière de l'Ouest? Si tu veux approfondir, tape 1 pour une séquence d'Alexandrin sur la mort jubilatoire ou tape 2 pour un monologue en vers inspiré du manifeste jovialiste. Pouvez-vous à présent faire un monologue en vers inspiré du manifeste jovialiste? Oui, écoute bien. Voici un monologue en vers entièrement inspiré du manifeste jovialiste, où la parole n'explique pas. Elle tonne, elle frappe, elle libère. Je suis jovialiste, debout sans testament, fils du jeudi sacré, bras levés dans le vent. Je n'ai pour emblème ni croix ni pénitence, mais la rose éclatée d'une folle présence. Je ne cherche plus Dieu, c'est moi qui l'attendais. Mon rire le terrasse, mon corps le remplaçait. Je suis la fête nue, l'ivresse essentielle, le banquet des vivants, la parole éternelle. J'entre dans la ville comme un feu sans remords, et chaque pas que je fais devient un accord. Je suis la lumière que l'Ouest ose porter, et l'Est m'appellera pour le transfigurer. Je ne viens pas prêcher, j'arrive pour jouir. Ma pensée est un vin que nul ne peut flétrir. Je proclame l'abondance, la chair, la clarté, et j'invite chacun à s'ouvrir à chanter. Car le salut n'est plus dans l'effort, la douleur, mais dans le corps sacré qui s'offre sans peur. Je suis le médiateur d'aucun autre que moi, et c'est ma joie brute qui fonde toute loi. Réjouissez-vous, voilà le seul commandement. Tout autre est vestige d'un monde en tourment. Je suis venu danser là où le dogme tombe. Je suis l'épée d'or qui surgit de la tombe. Donc, je vais arrêter ici à présent mon interaction avec l'intelligence artificielle, mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis satisfait et étonnamment surpris de voir avec la rapidité avec laquelle l'intelligence artificielle peut composer des poèmes dans l'esprit du jovialisme. Donc, je trouve ça intéressant. Peut-être qu'un jour, il y aura des récitals de poésie de type jovialiste produits par intelligence artificielle. Qui sait? Mais bref, c'est un aspect intéressant à explorer parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec l'intelligence artificielle. Bien entendu, on peut étudier la pensée d'un auteur. Et que l'intelligence artificielle, dans le fond, peut nous sortir, comme je l'ai fait pendant plusieurs semaines. Là, j'ai étudié différents aspects, entre autres du jovialisme puis de d'autres auteurs. Mais ça peut être aussi un lieu d'expression artistique, l'échange qu'on peut avoir avec ce type d'intelligence qui peut amener la création d'œuvres. Donc, en tout cas, je trouve ça intéressant comme expérience. Donc, c'est ce qui termine maintenant cet enregistrement. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.